facile, à peine a-t-il laissé un flottement dans nos cerfs volants qui nous tourne au-dessus, porté par le courant qui entre nous ne passe plus vraiment. Il plane un doute. Volant, il nous tourne au-dessus, porté.